إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est l'avant-dernier cours de l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, le Cheikh al-Allama Abdel Mohsin Hamad al-Abbad al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'a. On s'arrêtait à surat Al-Kafirun, donc on est dans les derniers surat du Coran que le cheikh va nous expliquer entièrement. C'est dans ces dernières surat, il va prendre tous les versets, c'est-à-dire la surat entière. Que ce soit pour surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq et la dernière donc surat Al-Nas. Fayaqul al-Sheikh surat Al-Kafirun, qawluhu ta'ala قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dis, ô vous les infidèles, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion et à moi ma religion. Il nous dit le shir que cette surat al-kafirun, la surat des infidèles, des mécréants, avec la surat al-ikhlas, c'est-à-dire surat qul huwallahu ahad, يقال لهما سورة الإخلاص. C'est-à-dire que ces deux sourates, قل هو الله أحد, qui est nommée سورة الإخلاص, طيب, à la base. Et cette sourate également, سورة الكافرون, elle est considérée et nommée également par سورة الإخلاص. C'est pour ça qu'on dit pour ces deux sourates, سورة الإخلاص, c'est-à-dire les deux sourates de l'إخلاص. سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد, c'est-à-dire surat قل يا أيها الكافرون وسورات قل هو الله أحد. Et il nous dit le shir que ces deux surat الكافرون et surat قل هو الله أحد, il nous dit le shir que ces deux surat sont venues dans la sunna, ou plutôt leur récitation de ces deux surat sont venues dans la sunna, c'est-à-dire réciter ces deux surat dans deux unités de prière, c'est-à-dire réciter dans un premier temps la première surat dans la première unité et la deuxième surat dans la deuxième unité, c'est-à-dire dans une seule ou dans deux rak'a, donc dans une prière de deux rak'a, d'avoir lu ces deux surat, d'avoir lu l'une d'elles à chacune des unités. C'est ce que veut dire la parole du shir lorsqu'il nous dit وَقَدْ جَاءَتْ أَسُنَّةُ بِالْقِرَاءَةِ بِهِمَا في بعض النوافل, c'est-à-dire donc qu'elle est venue cette récitation de ces deux sourates dans certaines des prières surérogatoires. Il va nous donner des exemples simplement en citant le hadith. Il nous dit ce qui est présent chez l'imam Muslim dans son authentique, qu'on lit ces deux sourates dans les deux unités de prière du tawaf, في ركعتي التواف, dans les deux unités de prière du tawaf. Quand on a fini bien sûr de faire les sept tours du tawaf, on prie une prière derrière, bien entendu, Maqam Ibrahim. Et ces deux prières, ou parfois ces deux unités de prière qu'on va réciter, dedans il va se trouver ces deux sourates, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Et la preuve de cela, donc, c'est dans le hadith, le très long hadith de Jabir. C'est donc un hadith qui est très long, où Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nous explique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj. Et c'est vrai que ce hadith, c'est une base pour la description du hajj. C'est une base pour la description du hajj, parce que Jabir, dans ce hadith, il va nous citer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est-à-dire étape par étape. Et bien sûr, dans cela, il va nous citer donc qu'il a prié deux raka'a derrière Maqam Ibrahim, après qu'il a fait les sept tours, et qu'il a récité dans ces deux raka'a قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. كَذَلِكَ, dans les deux unités de prière qui sont avant Al-Fajr, comme cela est également présent dans l'authentique de Muslim, unités de prière qui sont après Al-Maghrib, après la prière du Maghrib, comme cela a été cité par l'imam Ahmed dans son Musnad, avec une chaîne de transmission authentique. Donc c'est ce qui nous a cité le Shir. Deux unités au moment du tawaf, deux unités avant la prière du Fajr, et ensuite deux unités après la prière du Maghrib. Ça, dans la Sunna, c'est venu la récitation de ces deux sourates. Donc c'est bien sûr prière surrogatoire. Ensuite, il va nous citer certains hadiths qui sont en relation avec cette sourate. Sourate Al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-kafirun. Parmi les hadiths qui nous citent, un hadith qui se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, et un hadith également qui se trouve également auprès de Tirmidhi dans ses Sunan, Kadhalika Abu Dawud wa Darimi dans leur Sunan, rahmatullah alal jami', et qui est un hadith de Nawfal ibn Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, et dont la chaîne de transmission, comme nous le dit le Sheikh, bi isnadin hasan. C'est une isnad qui est considérée comme acceptable, bonne, hasan. Et également, elle a été jugée comme telle par Sheikh Al-Albani, kama fi sahih al-jami'a, et le hadith numéro 292. Anna al-Nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, qala li Nawfal ibn Muawiyah, c'est-à-dire que le prophète sallam, il a dit à Nawfal ibn Muawiyah, iqra' inda manamik, qul ya ayyuhal kafirun. C'est-à-dire au moment où tu vas t'endormir, au moment où tu rentres dans ton lit, comme cela est précisé dans d'autres versions, au moment où tu rentres dans ton lit, au moment où tu vas t'endormir, lis cette sourate. Qul ya ayyuhal kafirun. Qal thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atu min ash-shirk. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ensuite dors lorsque tu as fini de réciter. C'est-à-dire que la dernière parole que tu vas dire, c'est cette sourate. Comme dans l'autre version également, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta tahtimaha, jusqu'à ce que tu la finisses. C'est-à-dire, dors jusqu'à ce que tu la finisses. Au moment que tu l'as fini, alors à ce moment-là, tu pourras dormir. Fa'innaha bara'atun min ash-shirk. Cette sourate-là, le désaveu, comme ça il l'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'innaha bara'atun min ash-shirk. Bara'atun min ash-shirk. C'est un désaveu du polythéisme. Également un autre hadith qu'il va nous citer le Shir, et qui rentre également dans les vertus de cette sourate. Un hadith qui se trouve dans le Jami' de l'imam al-Tirmidhi, Aw Sunan al-Tirmidhi, et qui est un hadith Hassan, comme il nous dit le Shir, bi asanid yuqawi ba'dwa ba'dan an Anas wa Ibn Abbas. C'est-à-dire qu'il a été rapporté ce hadith de plusieurs chaînes de transmission et de plusieurs sahaba, parmi eux Anas ibn Abbas, et que les différentes chaînes de transmission, lorsqu'on les réunit, elles se renforcent les unes aux autres pour donc devenir hasan, c'est-à-dire pour donc devenir bonne. Et ça, on le sait, on le connaît dans la science du hadith, que par moment on a plusieurs chaînes de transmission qui sont en elles-mêmes, si on les prend une par une, en elles-mêmes elles ne sont pas authentiques. Elles sont même ba'if, c'est-à-dire faibles, mais ba'f, yassir, c'est-à-dire une faiblesse qui n'est pas forte, une faible faiblesse, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire une faiblesse qui n'est pas appuyée. Et lorsqu'on réunit toutes ces chaînes de transmission, alors le hadith yartaqi ila al-hasan, c'est-à-dire qu'il va devenir ensuite hasan. Ala kulli hal, il devient ici hasan, et également il a été jugé comme tel par Sheikh Al-Albani, comme dans silsila al-hadith al-sahiha, où il le juge comme hasan, et le numéro du hadith est le 586. Donc il nous dit le shaykh, wa fi jami' al-tirmidhi an qul ya ayyuhal kafirun ta'dil rub' al-quran. C'est-à-dire que cette sourate, le prophète sallam nous informe que cette sourate qul ya ayyuhal kafirun est l'équivalent au quart du Coran, équivalent au quart du Coran. Et il faut savoir que plusieurs en fait versions de ce hadith sont venues, et dans ces versions il y a des rajouts. Dans certains il y a le rajout de قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ تَعْدِلْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلْ رُبْعَ الْقُرْآنِ. Ça sont des versions qui sont authentiques, comme l'a mis en évidence Cheikh Al-Albani, et comme on le trouve dans, auprès de l'imam Al-Tabarani d'un hadith d'Ibn Omar, et qui est une chaîne de transmission authentique. Par contre, il y a d'autres hadiths où il a été rajouté إِذَا زُلْزِلَتْ, la sourate إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نَصْفَ الْقُرْآنِ, تَعْدِلُ نَصْفَ الْقُرْآنِ, إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نَصْفَ الْقُرْآنِ. C'est été rajouté avec قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلْ رُبْعَ الْقُرْآنِ. Cette version-là où il est cité إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نَصْفَ الْقُرْآنِ, c'est une version qui est faible et qui n'est pas authentique. Donc dire إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نَصْفَ الْقُرْآنِ, ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est simplement cette version قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ. Donc une version qui est venue uniquement avec Surat al-Kafirun, et d'autres versions qui sont venues avec Surat al-Kafirun au Kadalik, avec Surat Qul Huwallahu Ahad, c'est-à-dire que les deux étant cités. Ces versions-là, comme je l'ai dit, elles sont authentiques. Par contre, إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نَصْفَ الْقُرْآنِ équivaut à la moitié du Coran, إِذَا زُلْزِلَتْ, alors cette version-là n'est pas authentique. Et l'imam al-Mubarak Fouri, qui est l'explication de Sunan al-Tirmidhi, de Jami' al-Tirmidhi, il nous dit en fait que le Coran comprend les règles des deux témoignages et les états ou les situations des vies dans l'ici-bas et également dans l'au-delà. Et que cette sourate-là, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, comprend le désaveu du polythéisme et représente par là le quart du Coran. Et c'est pour ça que le shir nous dit وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَنْ يُعْلِنَ بَرَاءَتَهُ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَأَنْ يَقُولِ الْكَافِرِينَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. وَالْمَعْنَا أَنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْبُدُونَ مَا يَعْبُدُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire, la signification ici, c'est que les mécréants n'adorent pas ce qu'adore le prophète صلى الله عليه وسلم. لِأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْصُلُ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ غَيْرِهِ. Pourquoi? Parce que l'adoration d'Allah عَزَّ وَجَلَّ, l'adoration d'Allah عَزَّ وَجَلَّ n'advient qu'avec l'ikhlas, c'est-à-dire la pure intention du cœur, l'ikhlas, et qui se concrétise par l'adoration unique d'Allah Azzawajal sans rien associer d'autre à Allah Azzawajal. C'est-à-dire une adoration qui est pure et unique. Et cela est également, bien entendu, donc ça comprend délaisser tout ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal comme adoration. Ça, c'est la vraie adoration. Et ça, c'est ce qui est commandé par Allah Azzawajal. C'est ce qui nous est commandé par Allah Azzawajal. Donc, les mécréants, lorsqu'ils disent que, comme Quraysh, ils disent qu'ils reconnaissent Allah Azzawajal et qu'ils adorent les statues simplement pour se rapprocher d'Allah Azzawajal, tout cela ne représente en aucun cas une adoration vouée à Allah Azzawajal exclusive. Donc c'est dans ce sens que cette sourate nous prouve que ce qu'ils adorent est totalement différent de ce qu'adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas délaissé ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah azza wa jalla. ثم أكد قوله لا أعبد ما تعبدون بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم. C'est-à-dire que cette sourate لا أعبد, ou ce verset لا أعبد ما تعبدون, je n'adore pas ce que vous adorez, ou plutôt ولا أنا عابد ما عبدتم, ولا أنا عابد ما عبدتم, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Cela vient, ça vient appuyer, ça vient insister par rapport au premier verset. La a'budu ma ta'budun. Wa huwa ta'kid bil ma'na dun al-lafz. Il nous dit le shir, huwa ta'kid bil ma'na dun al-lafz. C'est-à-dire, c'est l'insistance par le sens du verset, non par termes utilisés ou les termes utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ici, lorsqu'on sait que wala ana abidu ma abadtum, c'est une insistance qui est placée avant la a'budu ma ta'budun, on s'aperçoit que les deux versets ne sont pas les mêmes quant aux termes utilisés, mais ils sont les mêmes dans leur sens. Donc en fait, ça vient insister, le verset wala ana abidu ma abadtum vient insister de par le sens uniquement le verset la a'budu ma ta'budun. Taïb. وأكد قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو التأكيد باللفظ والمعنى. C'est-à-dire également ensuite, dans la suite du verset, on revoit que le même verset va être utilisé. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Ce verset va être utilisé donc deux fois. Et dans ce sens que le deuxième verset va insister sur le premier verset, ou par rapport au premier verset. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? C'est qu'il y a une insistance par l'utilisation des mêmes termes. Et également, bien entendu, par le même sens. Donc il y a sens et utilisation des mêmes termes quant à l'assistance. Ce qui est donc encore plus important. Pourquoi? Parce que dans les deux autres versets, on a vu qu'il y avait une insistance avec le sens, sans l'utilisation des mêmes termes. Taïb. Ensuite, il nous dit وَقَدْ ذَكَرَ إِبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ فِي بَيَانِ وَجْهِ الْإِتْيَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا أَنَا عَابِدٌ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ بَعْدِ قَوْلِي لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Donc on voit que les surat al-Kafirun, les deux premiers versets sont ceux qu'il a cités le Shuir, et ensuite il y a deux autres versets. Donc il va nous, tout simplement Ibn Kathir, il va nous rappeler l'avis des savants par rapport donc à la relation qui est entre les deux premiers versets et les deux derniers versets. C'est-à-dire que les deux derniers versets ont été placés après ces deux premiers versets qu'il a cités le Shir. Et pourquoi? Quelle est la relation tout simplement qu'il y a entre les deux? Taïb, c'est ce qu'il va nous expliquer, il va nous rapporter les paroles des savants. Il va nous rapporter quatre avis. Il va nous rapporter quatre avis des savants par rapport à cette sourate. Il dit le premier avis. حاصله أن الآيتان الأولان في بيان براءته صلى الله عليه وسلم من معبودات الكفار وبراءتهم من عبادة الله كما في قوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Donc dans ce verset, donc il nous dit tout simplement que les deux premiers versets de cette sourate. Et lorsqu'il dit, bien sûr, les deux premiers versets, c'est lorsque ça commence par La a'bud ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud. Taïb. Il nous dit le shir que les deux premiers versets, ici, il y a le désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'adorent les kuffars. Il y a le désaveu et leur désaveu de l'adoration d'Allah Azzawajal. Et eux, leur désaveu, c'est-à-dire les koufars, de l'adoration d'Allah Azzawajal. Taïb. Et c'est dans le même sens que le verset qui nous a cité le shir. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. C'est-à-dire, si ils te démentent, ils démentent ce que tu dis, toi, ce à quoi tu appelles du tawhid, alors dis que vous avez à vous vos actions, que j'ai à moi mes actions et que à vous vos actions. C'est-à-dire que vos actions reviendront à vous. Et vous serez jugé par rapport à cela, et mes actions reviennent à moi et je serai jugé par cela. Taïb, in kadhabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Thumma il dit Allah Azza wa Jalla, antum bari'un mimma a'mal. Vous êtes innocent de ce que je fais. C'est-à-dire vous vous désavouez de ce que je fais. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Et moi je me désavoue de ce que vous faites. Donc ici c'est un désaveu. C'est un désaveu des koufars par rapport à l'adoration d'Allah, Azza wa Jal, et c'est un désaveu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, et bien sûr de tous ceux qui adorent Allah, Azza wa Jal, de ceux qu'adorent les koufars. Donc c'est dans ce sens les deux premiers versets. Et ensuite, les deux autres versets, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc pour nous faire comprendre la différence, et également la relation entre les deux, il nous dit les deux des derniers versets fi bayan min haji sallam wa tariqati wa hiya annahu ya'budu Allah wahdahu wa yattabi' ma ja'ahu min al-wahyi wa hadha bi khilaf al-kuffar fa inna 'ibadatahum li aliyatihim mabniyatun 'ala ma ikhtara'uhu wa ibtada'uhu min 'ibadati ghayrillah. Il nous dit donc les deux autres versets sont pour mettre en évidence et éclaircir la voie du prophète sallam, la méthode du prophète sallam quant à son adoration unique qu'il a vouée à Allah Azzawajal, et du fait qu'il suit al-wahy, qu'il suit la révélation comme elle est venue de la part d'Allah Azzawajal. Et ça c'est bien entendu contraire à ce qu'ont fait al-kuffar, qui eux, leur adoration qu'ils vouent à leur idole est bâtie sur quoi? Sur ce qu'ils ont inventé. et sur ce qu'ils ont innové comme adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la première signification. Donc ça nous permet de comprendre encore plus la relation et les différences entre les deux premiers versets et les deux deuxièmes versets. Ensuite, le deuxième avis, qui est l'avis de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire qu'Ibn Kathir va rapporter cet avis comme étant l'avis de l'imam al-Bukhari. Ma hakaw an al-Bukhari. Que les deux premiers versets concernent le temps actuel et le temps passé. L'il-hali wal-mawi. Le temps actuel et le temps passé. Et les deux autres versets concernent al-mustaqbal. C'est-à-dire, les deux autres versets concernent le futur. C'est-à-dire, comme on se désavoue et on est innocent des adorations de ces koufars et que eux-mêmes ils se désavouent de notre adoration, il faut savoir que cela c'est pour ce qui est d'aujourd'hui et pour ce qui est d'avant bien sûr ici le verset concerne le prophète sallam lorsqu'il dit la a'budu ma ta'budun qul ya ayyuhal kafirun, donc il parle, Allah a dit de dire au prophète qu'il dise la a'budu ma ta'budun, donc le prophète sallam se désavouent dans les deux premiers versets de leur adoration. Taïb. Et ça, c'est pour ce qui est du présent et également du passé, pour ce qui est passé et pour ce qui est présent. Ça, c'est pour les deux premiers versets. Et les deux deuxièmes versets, c'est pour ce qui est du futur. C'est-à-dire que même dans le futur, également dans le futur, dans ce qui va venir, l'état sera le même et la différence entre nous sera la même. On se désavouera de ce que vous adorez. Je me désavoue de ce que vous adorez et également. Je n'adore pas jamais, je n'adorerai ce que vous adorez et vous de même. Taïb, donc c'est dans ce sens que l'imam al-Bukhari nous explique ces versets. C'est la différence et la relation entre les deux versets. Al-Thalith, c'est-à-dire le troisième avis. Tout simplement, c'est ma naqalahu an ibn Jarir, c'est-à-dire une parole qu'il va rappeler de Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullah alayh, imam al-Mufassirin. Qui nous dit tout simplement que les deux derniers versets sont venus comme insistance par rapport aux deux premiers versets, tout simplement. Minbab al-Ta'kid, ce qu'on appelle Minbab al-Ta'kid. Ils sont venus tout simplement les deux derniers versets appuyer les deux premiers versets. Ça, c'est le troisième avis. Et ensuite, le quatrième avis, qui est le moins évident à comprendre, le quatrième avis, et c'est l'avis qu'il a attribué Ibn Kathir à Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, et qui est le suivant. On voit ici, il va revenir en fait à une règle de grammaire. Donc on voit tout le temps que les savants, pour expliquer le Coran et pour donner les précisions quant au sens du Coran et les précisions qui sont faites entre les versets pour les différencier quant à leur sens et leur signification, comme c'est le cas présent ici, on voit qu'ils font appel, les savants, à la langue arabe. D'où l'importance de la langue arabe pour comprendre le Coran comme il se doit. Et avec précision. Il nous dit le shir, shir al-Islam. La a'budu ma ta'budun. Nafi al-fi'l li annaha jumlatun fi'liya. Ici on voit que dans ce verset, la a'bud c'est un verbe. Taïb. Un verbe qui est bien sûr ici négatif. À la forme négative. La a'bud. Je n'adore pas ce que vous adorez. La a'bud. Donc on voit bien au niveau de la langue arabe. Je ne sais pas si ça apparaît au niveau de la traduction, à la kulihal. Par rapport à la langue arabe, ce qui est utilisé, c'est un verbe. Et lorsque une phrase commence par un verbe, on appelle ça jumlatun fi'liya, tout simplement. C'est-à-dire une phrase verbale. Une phrase verbale. Jumlatun fi'liya. Lorsqu'une phrase en arabe commence par un verbe, on dit que c'est une jumlatun fi'liya. Une phrase verbale. Et on sait qu'il n'y en a que deux. Soit la phrase, elle est verbale, ou soit la phrase, elle commence par un, elle est nominale, c'est-à-dire qu'elle commence par un nom, qu'elle commence par un nom, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du verbe. Elle commence donc par un nom, par un mot, qui ne veut pas être le verbe. Et ça, c'est ce qu'on appelle jumlatul ismiya. El jumlatul ismiya, la phrase nominale. Donc, la a'bud, phrase verbale. Elle commence par un verbe. Et ici, nafi el fi'al. C'est-à-dire que dans ce verset, il y a la négation de l'acte en lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est un verbe. Donc, c'est un acte. Il a négation de l'acte. C'est pour ça qu'il nous dit nafi al-fi'l, shir. Et ensuite, dans le verset suivant, wala ana abidu ma abattum, wala ana abidu ma abattum, on voit ici que c'est une phrase qui est jumlatun ismiya, c'est-à-dire une phrase qui ne commence pas par un verbe. Soit elle commence par un verbe, jumlatun fi'aliya, soit elle ne commence pas par un verbe, et dans ce cas-là, ça va être une jumlatun ismiya. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ou l'un ou l'autre. Donc ici, ça va être l'autre. Elle jumlatul ismiya. Elle commence par un terme. On voit ici. Wala ana abidun. Wala ana abidun. Ismul fa'il. Donc c'est ism. C'est un ism. Au niveau de la langue arabe, on dit ism. C'est-à-dire, on dit nom. Tayyib. Pourquoi? Parce que abidun ismul fa'il. Donc c'est un ism. Et ce n'est pas un verbe qui est utilisé. Donc on voit encore la différence qu'il y a entre les deux versets. Donc jumlatul ismiya. Qu'est-ce qu'on profite de cela et qu'est-ce que cela implique? Il nous dit nafi qubulihi lidhalika bil kulliya. La négation de l'acceptation de cela de manière absolue, de manière totale. Enam. Et comment cela? Comment on va comprendre? Li anna an-nafi bil jumlati al-ismiya akad fa ka'annahu nafa al-fi'l wa kawnahu qabilan lidhalik wa ma'nahu nafi al-wuqu' wa nafi al-imkan al-shar'i aydan. Donc il nous dit le cheikh, et il nous fait comprendre ici, que lorsqu'on nie une chose de manière générale, par une phrase qui commence par un nom, c'est plus fort, qui a un côté beaucoup plus insistant que quoi? Que le fait de le nier par une phrase qui est dite verbale, c'est-à-dire « jumlatun fi'aliya ». Donc dans la première, « la a'budu ma ta'budun », cette phrase verbale, va donc nier l'acte. Va nier l'acte. Et la deuxième, le deuxième verset, Wala ana abidu ma abattum, va nier l'acceptation de cela. C'est-à-dire que non seulement je ne fais pas cet acte-là, mais je l'accepte pas. Également, je l'accepte pas. Pourquoi? Parce que j'aurais pu ne pas faire cet acte-là, mais l'accepter. Le considérer comme vrai ou l'accepter. Taïb. Donc ici, lorsque la phrase qui commence par un nom vient en deuxième place, elle vient insister pour la première. C'est-à-dire que non seulement je ne fais pas cet acte-là, mais en plus je n'accepte pas cet acte-là. C'est pour ça qu'il nous dit, il a par cela nié l'acte, el fi'l, c'est-à-dire le verbe de faire cela, ou l'acte de faire cela, et il a également nié le fait qu'il accepte cela. Et donc ici, ma'na'u nafi al-wuqu', c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, c'est très important ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'accomplissement de cet acte-là, nafi al-wuqu', il n'y aura pas l'accomplissement de cet acte-là, c'est-à-dire qu'on nie l'accomplissement de cet acte-là, la a'budu ma ta'budun, et également on nie la possibilité législative de cet acte-là, c'est-à-dire qu'il est impossible de faire cet acte-là d'un point de vue législatif, c'est-à-dire d'un point de vue religieux. D'un point de vue religieux. Donc c'est pour ça qu'il dit wa ma'nahu nafi al-wuqu' wa nafi al-imkan al-shar'i aydan. Voilà donc pour ce qui est des quatre significations qui ont été données par les savants pour expliquer la différence et pour expliquer également la relation qu'il y a entre les deux premiers versets et les deux derniers versets de Surat al-Kafirun. Ensuite, Surat al-Ikhlas. Le shir il passe donc à Surat al-Ikhlas. Et il nous dit, il nous cite bien sûr la surat. Yaqul shaykh hafidhahullah, suratul ikhlas. Qawluhu ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad. Il nous dit, taqaddama qariban al-istidlal. Donc il nous rapporte tout simplement ce qu'il avait rapporté pour surat al-kafirun et qu'on lisait ces deux surats. Et qui étaient également nommés les deux sourates de l'Ikhlas. Wa thabata 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Donc cela a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle équivaut au tiers du Qur'an. Et on va voir comment elle équivaut au tiers du Qur'an. Quelles sont les explications qui nous sont données par les savants pour dire qu'elle équivaut, dans quel sens on dit qu'elle équivaut au tiers du Qur'an. Et dans un premier temps, il va nous donner les preuves de cela. Que le prophète sallam a bel et bien dit cela. Il va nous rapporter des hadiths par rapport à ce point-là pour nous mettre en valeur la vertu et l'importance de cette sourate, sourate al-Ikhlas. Il nous dit le shir rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Sa'id radiyallahu ta'ala anhu. Un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et c'est un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan sami'a rajulan. Un homme a entendu un autre homme qui était en train de lire qul huwallahu ahad yuraddiduha. C'est-à-dire qu'il répétait cette sourate. Yuraddiduha. il la répète. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن إنها لتعدل ثلث القرآن. Lorsqu'il a entendu la personne qui est en train d'entendre, la personne qui récitait, qui rappelait et qui répétait cette sourate, Qul huwa Allahu Ahad, lorsque le matin est venu, elle était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rappelé cela. Comme si en fait la personne donnait une valeur moindre à cette sourate. Yataqalluha. Comme s'il l'avait dévalorisée par rapport à sa vraie valeur. Bien sûr, ici par ignorance. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner quelle est la place de cette sourate. Pour qu'il ensuite, il a science de son importance. Tayyib. Donc il dit, il lui répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit en jurant, Wallahi nafsi biyadi. Il jure le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah. Et il dit, elle est équivalente au tiers du Coran. Pour que ce sahabi il comprenne l'importance de surat al-Ikhlas. Il lui dit, elle équivaut au tiers du Coran. Donc il n'y a pas de mal que la personne la répète, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas désavoué l'acte de la personne qui répétait cette sourate. Bien au contraire. Ça c'est pour le premier hadith. Le deuxième hadith qu'il nous rapporte, c'est également un hadith qui est dans l'imam al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, également un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu. Qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam li ashabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'ani fi laylatin. Il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, est-ce que l'un de vous est incapable de lire en une seule nuit le tiers du Coran? Fashaqqa dhalika alayhim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasul Allah. Bien sûr, cela a été pénible par rapport à eux. Quand ils ont entendu ça, lire le thuluth al-Qur'an, lire le tiers du Coran dans une seule nuit, alors cela a été pénible par rapport, dur par rapport, ça a été lourd par rapport à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ensuite au prophète sallam, ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Quelle est la personne parmi nous qui va avoir la possibilité, la capacité de faire cela au envoyé d'Allah? Ensuite il dit le prophète sallam, faqal Allahu al-wahidu as-samad thuluth al-Qur'an. Lorsqu'il dit Allahu al-wahidu as-samad, il veut dire par là sourate Qul huwallahu ahad thuluth al-Qur'an, c'est-à-dire thuluth al-Qur'an, c'est-à-dire qu'elle équivaut au tiers du Qur'an. Elle équivaut au tiers du Coran. Donc, si vous avez lu dans vos nuits cette sourate, vous avez, comme si vous avez lu le tiers du Coran. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a indiqué cet acte profitable, fi dunya wal akhirah. On avait dit ici-bas dans l'au-delà, lorsqu'il leur a indiqué qu'elle équivaut au tiers du Coran, et que si vous l'avez lu durant la nuit, c'est comme si vous avez lu le tiers du Coran. Et ça a min fadlillah azza wa jalla. Également un autre hadith qui nous rapporte le shaykh. Rawa Muslim fi sahihi. Ce hadith là il est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. An Abi Huraira, qui est celui qui le rapporte parmi les compagnons. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Uhshudu fa inni sa'qra'u alaykum thuluth al-Qur'an." Fa hashada man hashad. Thumma kharaja Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam fa qara qul huwallahu ahad. ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il leur a dit de se rassembler aux compagnons. Il leur a dit ensuite je vais vous lire le tiers du Coran. Ils se sont réunis, ceux qui étaient présents se sont réunis, ceux qui ont entendu cette parole du prophète, ils se sont réunis, et ensuite le prophète sallam il est sorti de chez lui, et il leur a dit, il leur a cité ce verset, Qul huwallahu ahad. Et ensuite il est rentré chez lui. Alors les uns aux autres se sont dit, parmi les compagnons qui étaient présents, il a dit ceci en fait est une information qui vient du ciel, qui lui vient du ciel, et c'est cela qui l'a fait rentrer chez lui. Et ensuite, il est ressorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il leur a dit « Inni qultu lakum sa'aqra'u alaykum thuluth al-Qur'an » Je vous ai dit que j'allais vous lire le tiers du Qur'an. Et il dit ensuite, bien sûr, en faisant référence à la sourate qu'il leur a lue, « Qul huwallahu ahad, ala innaha ta'dilu thuluth al-Qur'an » Elle équivaut, certes, elle équivaut, et c'est elle qui équivaut au tiers du Qur'an, sourate al-Ikhlas. Ensuite, il nous dit le shir. وجاء في السنة قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء ثلاثا. Bien sûr, et c'est important également de lire surat al-Falaq et également surat al-Nas مع surat al-Ikhlas. C'est trois surates. C'est pour ça qu'il nous a dit de la lire elle avec al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les deux surates protectrices et qui sont bien sûr surat al-Falaq ou surat al-Nas. Il nous dit de les lire trois fois durant le matin et durant le soir. Durant le matin et durant le soir, de lire ces trois sourates trois fois. Il va nous rapporter le hadith qui est en relation avec cela pour qu'on comprenne. Et qu'est-ce que cela va nous profiter de les lire? Il nous dit que Rawahu at-Tirmidhi, ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam at-Tirmidhi, wa ghayruhu, et d'autres que l'imam at-Tirmidhi, bi isnadin hassan, donc le shir nous fait part de cette chaîne de transmission de ce hadith qui est hassan. Et également, Shir al-Albani l'a considéré comme tel, Hassan. An Abdillah ibn Khubayb, قال, خرجنا في ليلة مطيرة ظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا, قال, فأدركته. Donc, Abdullah ibn Khubayb, il dit qu'il était sorti avec d'autres compagnons dans une nuit où il y avait beaucoup de pluie et où il y avait une nuit ténébreuse, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien du tout. Et il cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie pour eux. Afin qu'il prie pour eux. Qal fa'adraktuhu. Et ils l'ont atteint. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, qul falam aqul shi'an. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est-à-dire dit, demande. Et lui, Abdullah n'a rien dit. Thumma qal qul falam aqul shi'an. Il lui a répété, il n'a rien dit également. De dire quelque chose. Qal qul faqultu ma aqul. Et la troisième fois, il lui a dit, dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dit. C'est-à-dire, demande quelque chose, dis quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire? À la fin, la troisième fois, il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire? Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Il lui dit, dis cette sourate donc, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, sourate al-Ikhlas, وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ, c'est-à-dire également, lis les deux sourates protectrices. Lorsque tu es dans la soirée et lorsque tu es dans le matin, trois fois, takfika min kulli shay, elles te suffiront de toutes choses. Ces trois sourates, si tu les lis, elles te suffiront de toutes choses. C'est ça le bénéfice de les lire trois fois, lors du matin et lors du soir. Takfika min kulli shay. Ça, c'est la parole du prophète sallam dans ce hadith Hassan. Également, il va nous dire et nous expliquer le shir que ces trois sourates qu'on vient de citer, on les récite également au moment où on s'endort. Et cela est connu dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith Aïcha. Anna Nabi sallam kana idha awa ila firashi kulla laylatin jama'a kaffay. Parce que le prophète sallam allait dans son lit. Allait dans son lit, bien sûr, pour dormir. Awa ila firashi. Chaque nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il rassemblait donc ses paumes de la main. Jama'a kaffay. Thumma nafatha fihima faqara fihima. Ensuite, il crachotait, sans bien sûr qu'on fasse sortir de la salive, le verbe nafafa, il crachotait donc à l'intérieur de la paume de ses mains, qui étaient rassemblées. Faqara fihima, et il lisait ensuite les trois sourates. Thumma yamsah bihima mastata'a min jasadi. Et ensuite, il frotte avec ses deux mains, avec la paume de ses deux mains, tout ce qu'il pouvait de son corps. Thumma yamsah bihima mastata'a min jasadi. Il commençait dans un premier temps, lorsqu'il faisait cela, il commençait par sa tête, le haut de sa tête, par sa tête, et ensuite son visage, et ensuite le reste de son corps. Tout le reste de son corps, tout ce qu'il pouvait. Il faisait cela trois fois. Il faisait cela trois fois. Et on sait que dans les derniers temps, avant la mort du prophète, on sait que Aïcha faisait cela pour le prophète. Donc, ça a également un des bénéfices de cette sourate. On peut utiliser cette sourate à ce moment-là. Naam, crachoter, postillonner. Naam. Lorsqu'on dit crachoter, postillonner. Naam. Ensuite, il nous dit le shirk. Donc, les deux premières sourates de Surat al-Ikhlas, elles comprennent en fait l'attestation donc de l'unicité d'Allah Azzawajal. Et également du fait qu'Allah Azzawajal, comme on va voir, on va revenir sur l'explication de As-Samad. Qu'est-ce que veut dire ce nom qui est parmi les noms d'Allah Azzawajal, As-Samad? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et on va donc revenir à ce terme-là. Et également pour ce qui est du troisième et du quatrième verset, ici c'est l'éloignement d'Allah Azzawajal de toute base et de toute branche. Lorsqu'on dit Al-Usul ou Al-Furu, Al-Usul, on comprend par là qu'Allah Azzawajal n'a pas de père. Subhanahu. Et qu'il n'a pas d'enfant, Al-Furu, et qu'il n'a pas d'enfant, de branche. Et également qu'il n'a pas d'ego, Al-Ashba, qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'y a personne qui lui équivaut, et qu'il n'y a personne qui lui ressemble, Allah Azzawajal. Ou Al-Ahad, c'est-à-dire ce nom-là, Al-Ahad, fait partie bien sûr des noms parfaits d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que Ibn Kathir, comme nous le rapporte le Cheikh, lorsqu'il nous rapporte sa parole, il dit qu'on ne peut utiliser ce mot-là, Al-Ahad, sauf dans le cas d'Allah Azzawajal. On ne peut désigner par ce mot-là ou par ce nom-là qu'Allah Azzawajal uniquement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui définit ce mot-là? Qu'est-ce qu'il a pour sens, Al-Ahad? لِأَنَّهُ الْكَامِلْ فِي جَمِيعِ صِفَاتِ وَأَفْعَالِ. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal est celui qui est parfait dans l'ensemble de ses attributs et de ses actes. Dans l'ensemble de ses attributs et de ses actes. Et pour ce qui est donc de As-Samad, فُسِّرَ بِعِدَّةِ تَفْسِرَاتِ. Il nous dit que le terme donc As-Samad, pour revenir donc à ce terme-là, ou plutôt à ce nom qui fait partie des noms parfaits d'Allah Azzawajal, il nous dit qu'il a été expliqué par plusieurs explications, que plusieurs explications ont été données par les savants, parmi les sahaba et autres. Il nous dit awwaluha, le premier d'entre eux, الَّذِي يَسْمُدَ الْخَلَائِقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَمَسَائِلِهِمْ. C'est-à-dire que toute la signification de ce terme ou de ce nom, As-Samad, c'est-à-dire que toutes les créatures se dirigent vers lui pour ce qui est de leurs besoins et de ce qu'ils demandent. Donc, toutes les créatures se dirigent vers lui pour ce qui est de leurs besoins et pour ce qui est de leurs demandes. Donc, ils ont besoin de lui, d'un besoin absolu, subhanahu wa ta'ala. Azaou ila ibn Abbas. Donc ça, c'est une des explications d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Wa subhanahu wa ta'ala al-ghani an kulli ma siwa. Wa al-muftaqar ilayhi kullu man ada, kama qala azza wa jal, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Comme Allah Azzawajal nous dit dans ce verset, et la parole qu'a dit le shir, Allah Azzawajal est riche devant toutes ses créatures, et que toutes les créatures ont besoin de lui. Lui n'a besoin de personne, et toutes les créatures ont besoin de lui. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azzawajal nous dit, ya ayyuhan nas, ô vous les gens, vous êtes pauvres devant Allah Azzawajal, c'est-à-dire que vous avez tous besoin d'Allah Azzawajal. Sans Allah Azzawajal, vous ne serez rien du tout. Wallahu al-ghaniyul hamid. Alors qu'Allah Azzawajal, c'est lui le riche. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche. C'est lui qui n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique dans cela. Et également ensuite, le shir nous cite à la fin qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il nous dit par ce nom, As-Samad, que tout le monde a besoin de lui et que lui, il n'a besoin de rien. Ceci implique en fait qu'il ne peut avoir de par ce nom, qu'il ne peut avoir, qu'il est impossible qu'il ait quoi? Des pères ou un père ou un enfant ou des enfants. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que tout simplement, s'il aurait eu des pères, Allah Azzawajal, automatiquement le père va ressembler à Allah Azzawajal. Ou s'il aurait des fils, le fils va ressembler à Allah Azzawajal. Ta'ala Allah an dhalik. Ici, bien sûr, le shir nous explique. Et cela aura incombé que quoi? Que Allah Azzawajal ait besoin donc du père ou ait besoin du fils. Et ça, c'est impossible dans le droit d'Allah Azzawajal. C'est strictement impossible. Donc dans ce sens, As-Samad vient appuyer également le terme Ahad, ou vient appuyer également le nom Ahad, et que dans ce sens également, Allah Azzawajal ne peut avoir d'ego, et Allah Azzawajal ne peut avoir celui qui lui ressemble. Taïb. Donc de par cette sourate et de par ces deux noms, on voit de manière très forte qu'elles mettent en valeur l'unicité d'Allah Azzawajal de manière absolue. C'est pour ça qu'elle est citée sourate Al-Ikhlas. Non seulement parce qu'il dit à la fin du verset, lorsqu'Allah Azzawajal nie d'être engendré ou d'avoir engendré, mais également de par ces deux noms. Donc on voit que c'est vraiment la sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire le monothéisme pur. Et que de par cette sourate, celui qui concrétise cette sourate, il est le véritable monothéiste. Et que ceux qui prétendent être ou faire partie des religions monothéistes, comme on nous l'apprend, Wallah al-Musta'an, on dit les trois religions monothéistes lorsqu'on nous apprend l'histoire. Et il y a le monothéisme dans la religion judaïque, dans la religion chrétienne. Où est le monothéisme? Qui a concrétisé parmi les chrétiens et les juifs cette sourate, sourate al-Ikhlas? Dites-moi, qui l'a concrétisé lorsqu'ils attribuent Allah Azzawajal un enfant? Ta'alallah an dhalik. Cela est le véritable monothéisme. Cette sourate est la preuve du véritable monothéisme. Celui qui a concrétisé cela est le monothéiste. Et que la religion qui appelle à cela est la véritable religion monothéiste. Et la véritable religion monothéiste. Ensuite, et ça sera le dernier point de ce cours d'aujourd'hui, inshallah ou ta'ala, comment les savants ont expliqué que cette sourate donc ta'dil thuluth al-Qur'an, quel est l'équivalent du tiers du Qur'an? On va rappeler, vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va tout simplement rappeler al-Qawl al-Rajih, c'est-à-dire la parole la plus forte, et c'est celle qui, sur laquelle a penché Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari. Il nous dit que c'est la parole de certains savants qui disent que tout simplement ma'ani al-Qur'an, c'est-à-dire que par rapport au sens du Qur'an, les versets et les sourates, elles ont des sens, et que de façon générale, le Qur'an, il a un sens. Ma'ani al-Qur'an, les sens du Qur'an, se divisent en trois parties. Il y a ce qui est en relation avec l'ahkam, il y a ce qui est en relation avec l'akhbar, et il y a ce qui est en relation avec le tawhid. Donc, il y a ce qui est en relation avec les lois religieuses. C'est ce qu'on appelle l'ahkam. Donc ça va être considéré comme un tiers. Et il y a également l'akhbar, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous cite l'akhbar, nous cite en fait les histoires, nous cite ce qui s'est passé parmi les communautés. Tayyib, l'ahkam, l'akhbar, et ensuite l'tawhid, l'unicité, qui est la troisième partie. Et donc vu que cette sourate, comme on l'a expliqué, relate de manière parfaite et absolue l'unicité d'Allah Azzawajal, et bien tout simplement elle est considérée comme le tiers du Coran. Elle est considérée comme le tiers du Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a les lois, parce qu'il y a les récits, non, les récits, l'akhbar, les récits, et il y a ensuite l'unicité. Ça c'est ma'ani al-Qur'an, les sens du Coran de façon générale. Al-Ahkam, al-Akhbar, al-Tawhid. Et donc surat al-Ikhlas, c'est la sourate du Tawhid, la sourate du monothéisme pur. C'est pour ça qu'on le traduit par le monothéisme pur, c'est dans ce sens-là. Donc elle va représenter dans ce sens le tiers du Coran. Et il va nous appuyer cette parole-là, Ibn Hajar, par une parole de Abi Darda, qui était rapportée par Abu Ubaida. Akhrajou Abu Ubaida an Abi Darda. Il nous dit, Jazza'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an thalathat ajza. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé le Coran en trois parties. Faja'ala qul huwa Allahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Il a placé cette sourate, qul huwallahu ahad, comme étant une partie des autres parties du Coran. Donc on voit dans ce sens, les trois parties, ça reviendrait à l'ahkam, à l'akhbar ou à tawhid, et qu'il a placé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sourate dans la troisième partie. Et donc, troisième partie, s'il y a trois parties, automatiquement ça va représenter al-thuluth. Ça c'est la parole qui était retenue pour ce qui est de l'explication de innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.